paradis des monstres comme ses paupières, les grands villes de sites s'envoient en l'air au nucléaire. Le ciel cible cache derrière les immondices qu'on plante dans l'air cache misère. Le mouton du prince est surcloné. Les rêves des gosses sont télévisés. On a piégé la sonnette de mes grands. Elle m'a piqué dans la gueule en décoiffant du tabac. Les gens des cols blancs se satellisent sur leur compte en banque. Des tas de pays sans franchise. Ils proposent, récupèrent et disposent les idéaux et les. Le mouton du petit prince surcloné. Les rêves des gosses sont télévisés. On a piégé la sonnette de mes grands. Elle m'a pété dans la gueule en me décoiffant putain de vent. Yeah. Tu vois, c'est vachement bien. Pas peur du lendemain. On s'organise, on s'civilise. C'est drôlement bien la crise. Des prédicateurs tous milliardaires vendent des points le ciel loin de l'enfer planétaire. Ils proposent et disposent de la bonne cause pour éviter. Les rêves des gosses sont télévisés. On a piégé la sommeille de mes grands. Elle m'a pété dans la gueule en me décoiffant putain de vent. Tu vois, c'est vachement bien. Pas peur du lendemain. On s'organise. C'est drôlement bien la crise. Tu vois, c'est vachement bien. Pas peur du lendemain. On s'organise, on civilise. C'est drôlement bien la crise. Oh. Comme ses paupières, les grands guides de sites s'envoient en l'air au nucléaire. Le ciel cible caché derrière les immondices qu'on plante en l'air cache misère. Le mouton du petit prince surcloné. Les rêves des gosses sont télévisés. On a piégé la sonnette de mes grands. Elle m'a pété dans la gueule en me décoiffant putain de vent. Tu vois, c'est vachement bien. Pas peur du lendemain. On s'organise, on se civilise. C'est drôlement bien la crise. Tu vois, c'est vachement bien. Pas perdu l'an.